Prêt pour un peu de nouveauté? C'est la chance aux coureurs. Cette semaine, à la chance aux coureurs, de nouvelles pièces de Major Bidet, Univers, pour un jour ou deux, s'il n'en tenait qu'à vous. Un paquet d'autres choses tout de suite, à la chance aux coureurs. Bonjour et bienvenue à La Chance aux coureurs, l'émission qui découvre, analyse, critique et décortique les nouveautés musicales reçues à C'est fou depuis les 7 derniers jours. Mon nom est Mathieu Plante. Oui, c'est toujours la nouvelle première heure, celle qui commence l'émission de 3 heures maintenant. Et Danny Janvier sera avec moi dans la deuxième heure pour analyser ces nouveautés. Cette semaine, je l'ai mentionné en introduction, on a beaucoup de nouveautés francophones. Major Bidet avec un album alternatif, un petit peu de populaire, comme on l'appelle, Univers avec Les Voisins, quelques singles. Et on commence justement par ces singles-là. On commence par une formation qui s'appelle Elvis Versa avec la pièce « S'il n'en tenait qu'à vous ». Tout de suite, à la chance aux coureurs. Est-ce que ça serait si différent? Y aurait-tu moins de tabous? Est-ce que Bush serait président? Cultive les fous qui explosent les bâtiments. C'est facile de pas mettre à genoux quand l'auditoire est ignorant. S'il n'en venait qu'à vous, est-ce que ça serait l'heure du changement? Ça se mentait que ça fait un bout qu'on est là pis qu'on attend. Tourne, tourne la roue, c'est celle de l'argent. Une ville qui rend fou, un amour souvent déchirant. S'il n'en venait qu'à vous, chaque chose en son ça sent bien, je le sais, je le sens. M'en tenais qu'à vous, ça serait plus de moi que ça fait longtemps. Sûrement qu'on serait moins dans le trou, y'aurait plus de pause. On réduirait les coûts dans la santé et l'enseignement. C'est facile de pas mettre à genoux quand l'auditoire est ignorant. S'il m'en tenait qu'à vous, feriez-vous le ménage là-dedans? À commencer par le trou du cul qui s'ajoute cheveux blancs. Allez dormir chez vous, c'est pas le temps d'être somnolent. La face entre les genoux souvent empêche de voir de l'avant. S'il m'en tenait qu'à vous, chaque chose en son temps. Ça sent bien, je le sais, je le sens. Chaque chose en son temps, ça s'en vient, je le sais, je le sens. Même si parfois ça sent aux yeux, un peu craquelé et peureux, j'ai mérité de ne rien voir, que de tout voir et de rien dire. Même si parfois ça sent aux yeux, un peu craquelé et peureux, j'ai mérité de ne rien voir. Que de tout voir et de rien dire. Que de tout voir et de rien dire. Que de tout voir et de rien dire. Que de tout voir et de rien dire. M'en tenais qu'à vous, le prêtre est différent. Y'aurait-il moins de tabous? Est-ce que bouche le président que tu veux les fous? M'en tenais qu'à vous. On cultive les fous, n'en tenez qu'à vous. formation, au contraire, avec pour un jour ou deux à la chance aux coureurs. C'est les premiers simples qu'on a reçus cette semaine. Et avant de continuer avec les biographies de ces groupes, je vais vous amener, vous présenter l'extrêmement viril Danny Janvier. Bonjour. Oh là là, bonsoir, bonjour. Bonjour, ça va? J'ai encore menti en début d'émission, comme je le fais chaque semaine, si vous êtes un habitué de l'émission. J'avais dit que Danny viendrait plus tard. Et là, il est là. Ben, c'était exprès de te faire mentir. J'aime ça, hein, faire ça. On sait que Danny aime beaucoup plus le francophone. Oui, le franco ou l'électro. La musique anglophone, ça me touche pas beaucoup. Ouais, je comprends ça. Et justement, ça tombe bien parce qu'on commence l'émission à chaque semaine par du francophone. Donc, présentons un petit peu les artistes qu'on a entendus depuis tantôt. On a commencé par la formation Elvis Versa, un groupe de punk rock de garage de Montréal, Canada. Hein? Leur site web, c'est le myspace.com/ Mario Sigman. Mario, S-I-G-M-A-N. Et les membres du groupe sont Sigman, le marche, patate et parolier. Rémi, aux vieilles guitares et ambiance. Doom, au petit tambour, s'en va par apapampam. Hein? Philippe à la basse, à la baise, B-A-I-S-E, et groove, et Sined, aux cordes et touches noires et blanches. Chanel. Incroyable. Les influences, les Shérifs, les Ramones, Jean Leloup et tout ce qui est simple, bon et efficace. Voilà. Donc la pièce qu'on a entendue s'appelait « S'il n'en tenait qu'à vous ». Ici, dans les simples, les premières nouveautés de la semaine. Ensuite, on a entendu, au contraire, un groupe indépendant de Montréal, au Québec. GF McNeil, guitare, voix, basse, clavier. GP Aubin, au drum. Et Hugues Harvey, au clavier. La pièce qu'on a entendue s'appelait « Pour un jour ou deux ». Vous pouvez entendre une deuxième pièce sur leur MySpace. C'est au myspace.com/ au contraire, rock. Hein? Rock. Et la pièce s'appelle « Souvenir d'enfance ». Voilà qui fait le tour de ça. Prochaine formation qu'on s'en va entendre, c'est un album qui s'appelle « Univers » de la formation Les Voisins. Ça a l'air quand même bien. Oui, oui. Ouais. Ils nous ont envoyé des pièces qui s'appellent « Univers »,« Nous sommes prêts » et « Les envahisseurs ».« Univers », c'est une chanson qui touche un sujet sensible à l'égard des Québécois, un sujet qui touche l'actualité mondiale, comme l'a témoigné la dernière conférence sur le climat à Nairobi. La passion des voisins éclate dans cette dernière et est certaine de rejoindre vos auditeurs. Là, évidemment, c'est un petit ado, c'est Univers. Hein. Uni, trait d'union, vert, V-E-R-T. Fallait préciser. Vous trouverez également sur ce CD deux autres chansons tirées de l'album, soit Nous sommes prêts et Les envahisseurs. Bonne écoute, on se parle sous peu. Nous sommes prêts, ça ressemble à Charest, là. Tu penses, nous ouais. Sommes prêts. Ou Locolocas. Ben, c'est Locolocas, mais la citation était de ce cher et honorable Jean Charest. Elle a fait parler, cette citation. Hein. Enfin, on s'en va entendre les trois pièces d'affilée. Voici Les voisins tout de suite à la chance. Au courant. Ça. J'observe la planète bleue. affecté d'une tumeur qui veut se propager, condamné à la détruire, nous détruire. Si on ne change pas un jour, yeah, yeah, yeah. Dans cette galaxie perdue, je me retrouve aussi vite le canard. We'll be right back. terre. Et combien d'âmes de corps solitaires. Le désespoir de voir, de croire ce qu'il y a de plus haut. Pour s'accrocher à la vie comme une bouée sauvetage. Pièce de la formation Les Voisins, Univers, Nous sommes prêts et Les Envahisseurs. Donc, chanson de cette formation Les Voisins dont on va parler un tout petit peu, faire une mini-biographie de ce groupe-là. Ils nous offrent leur premier extrait radio et voici le dossier de presse. Ça dit « Entraînant, concerné, urbain, pur. Les Voisins sont un groupe rock québécois qui va ravir notre auditoire. » Les textes vrais et le son authentique des Voisins ont fait ravage partout où ils sont passés. Ils sont jeunes, modestes, branchés dans l'actualité urbaine et offrent une musique rock francophone aux allures festives et enjouées. Ils représentent votre public. Leur attitude et énergie musclée feront bouger le paysage rock francophone. D'accord. Unis par une décennie d'existence, fort de leur expérience sur les scènes québécoises et encore plus confirmée depuis l'enregistrement de leur premier album, qui a été réalisé d'ailleurs par Daniel Sinelli. C'est celui qui s'occupe de Serial Joe, Hadley, quelque chose de genre, Corneille. Fort. L'aime beaucoup, Corneille, ici, c'est fou. Danny Bédard, encore plus fort. La musique des Voisins rayonne de puissance et est certaine de charmer votre public. Donc, vous pouvez témoigner de ça vous-même, si vous le voulez bien, en écoutant l'album Le Monde est Funky, qui est disponible sur leur site internet, le www.lesvoisins.com. D'accord. On va passer à autre chose, si ça te dérange pas. Prochain groupe qu'on s'en va entendre, mais en fait, c'est pas un groupe, c'est une personne. C'est Johan Stromer. On va écouter quelques pièces de son nouvel album. C'est un étudiant de l'UQTR. On va en parler un petit peu après. On commence par la pièce Western Exotique. Et restez là parce que Danny Janvier, plus tard, a amené quelques albums dont il va nous parler. Ouais, mais j'ai pas vraiment aimé ce que j'ai écouté. Dont il va nous parler en mal. En tout cas, on verra ça. D'accord. Voici Western Exotic de Johan Stromer à la chance. Au coureur. Retour plus de Johan Stromer à la chance. Toujours à la chance au coureur, on continue avec notre ami Johan Stromer et la pièce Latente, qui est une interlude, intermède, juste avant la pièce Noisy. Ici à la chance. Ouais. Ben c'est ça. C'est vrai que c'est bon. On n'arrête pas de le dire depuis tantôt. Noisy et l'attente de Johan Stromer. Ici à la chance au coureur. Très bon, Danny. Qu'est-ce que t'en penses officiellement? Donne ton estampillage. Ben, c'est ce que je disais tantôt, voilà une seconde. C'est que c'est le fun que le gars ait décidé de faire un projet comme ça et pas nécessairement de mettre sa voix automatiquement dessus. Peut-être qu'un prochain album, il y aura de la voix, mais des fois, ça gâche un peu parce que la musique. Mm-hmm. Parce que, tu sais, la musique, c'est quand même important. Les gens, c'est tout le temps, il faut toujours qu'il y ait un texte, il faut qu'ils se raccrochent à quelque chose. Je trouve ça, c'était très bien, cette musique instrumentale. Oui, et on a appris quelques informations sur Johan Stromer. D'origine française, il est venu s'installer au Québec il y a 4 ans et il est étudiant à l'UQTR, ici même, l'Université du Québec à Trois-Rivières. Ça fait 11 ans qu'il est guitariste. En septembre dernier, il s'est donné comme défi personnel de réaliser un CD instrumental qui comporte aujourd'hui 11 chansons. Pour plus d'informations sur lui, allez voir le johanstromer.com. Je vais l'épeler J-O-H-A-N-S-T-R-O-H-M-E-I-R. M-E-I-E-R même. J'ai réussi à rater. C'est facile, hein? Johan, J-O-H-A-N, Stromer, S-T-R-O-H-M-E-I-E-R. OK, c'est assez, Mathieu. Oui, mais il fallait au moins le dire deux fois pour que les gens puissent y aller. Ouais, c'est parce que je pense qu'il n'y a personne qui a pu l'obtenir. Bon, ben allez-y pas, d'abord. Allez sur le site. Ah, t'as pas ton site. Ben non, c'est ça. Arrive. Ben c'est pour ça. J'allais pas le dire, mais le site de la chance ne fonctionne pas en ce moment, donc vous pouvez pas y aller. Bande de pas chanceux. Et voilà. Allez voir ce site-là. Puis il y a des extraits de sa discographie, des nouvelles sur lui, et etc., etc. C'est génial à voir. Prochain artiste, je vous l'avais promis la semaine dernière dans mes super introductions menteuses, comme j'aime le dire. C'est la formation. Ma tante Frac. Ma tante Frac étant le membre. Le seul, il est membre de la formation. Attends, Frac, il nous a envoyé quelques nouvelles pièces. Mais c'est pas vrai, hein, par exemple. Encore, tu mens encore. Il ment toujours, Danny. Non, mais pour vrai, sur le MySpace, tu verrais, il y a d'autres membres avec lui. Parce que quand ils font des shows, c'est un Ben, ma tante Frac. D'accord. En tout cas, pour te reprendre comme ça. Ben, t'aimes ça. Je sais que t'aimes ça. T'es du genre, toi aussi. Ouais, je sais. Je sais. Bon, donc, ma tante Frac, House, Garage, Jam, Band. Laissez un peu plus bas, membres. Les membres sont ma tante Frac, musique, paroles et voix, Ecstatic Plastic, guitare et clavier, Nathalie Lavoie aux paroles et voix, Monsieur Velouté à la bass, clavier, mixing et mastering, Dave Ledo à la musique, DJ Ridou, paroles et voix, Mathieu Simard, paroles, Michel Bellil, paroles et voix, Jean-Charles Bulot au clavier et Jimmy Guimond à la musique, les paroles et les voix. Est-ce qu'on aurait pu me prouver mon erreur plus fort que ça avec ça comme 14 pas, genre membres dans 6 le groupe? Membres du band. Enfin bon. On va commencer par une nouvelle pièce qu'il nous a envoyée qui s'appelle Mini Sip Bleu. Vous pouvez entendre l'extrait et le télécharger sur le myspace.com/matantefrac ou encore en passant par son site officiel lefrac.qc.ca. Et frac s'appelle bien F-R-A-K. Hein? Donc allez-y comme ça. Un petit peu plus facile à dire que Johan Stromer. Voici Mini Sip Bleu de matantefrac. À la chance au coureur. Même qu'il parle au début, fait qu'on va leur partir. Oui. En tout cas, là, vous allez voir ça, là. Il y en a, là, qui auraient fait au moins 3 tunes avec le beau matériel que j'ai là. Hein? Vous allez voir comment c'est n'importe quoi. N'importe quoi! Oh, non. Je te lichais dans la ville! OK. Hey, c'est qui a dit ça? Tes 12 personnalités! Ah, OK, OK, c'est correct. Bon, ben, ça va comme suit. Oh, ça gros, ça, hein? Oh, yeah, baby! Bouge ton gros cul, salope! Bouge ton gros cul, salope! Ah oh, oui! Un mini-cip bleu pogné dans l'air! Le bleu de tes yeux me font penser au ciel. Je suis tout comme genre les moustiquiers. Puis j'ai goût de manger des Mr. Freeze bleus, ouais! Hey toi, viens ici, que je te liche toute la face. Que je te liche toute la face. Que je te liche toute la face. Je suis un buffet de rêve. Je suis un buffet de rêve. Oh yeah baby. Le bleu de tes yeux me font penser à un mini-cip bleu. J'ai le goût de me pitcher dans une piscine excitée. c'est ça, là. Comment ça, la toune est finie? Ah, tabarnak, j'ai pas fait la toune assez longue, sti. J'avais plein d'autres paroles, là. Sacrement. Là, il me restait encore, là, attends une minute, là, je tique dans mes feux. Il me restait encore Dr. Flush et Miss Trafalgar. Les deux bitches de service. Ils se déshabillent le verbe pour vous. C'était beau, ça, Chris? Attends, là, j'en ai d'autres, là. Ah oui. Puis là, Lady in Red! La dame en bleu! Oh! Ah, si je coule partout. Ah, non. Écoutez le son de demain. Dès aujourd'hui, c'est fou 89.1. As the war go by, I thought I might have seen you smile. De la situation au Moyen-Orient et le réchauffement de la planète. Merci beaucoup. On parlait de la conjoncture mondiale. Maintenant, on va parler de la condition de la femme. Qu'en pensez-vous? Est-ce que ça va bien? Que pensez-vous de la femme en Afghanistan? C'est vrai qu'elles n'ont pas de clitoris. Ils mettent dans la bouche. Thank you. tu m'acceptes là, le pamplemousse. Oh, le pamplemousse. Il est rose, il est jaune, il est bon. Trois pièces de ma tante, frac! Ici à la Chance au coureur, l'émission qui découvre, analyse, critique et décortique les nouveautés musicales reçues assez fou depuis les sept derniers jours! Avec Danny Janvier et Massé Plante. Qu'est-ce que tu penses des nouvelles pièces de ma tante, frac? C'est différent? Ben ouais, moi je trouve que c'est fidèle à lui-même. C'est ben, à elle-même, excusez-moi. Oui, c'est ça, ouais, à elle-même. Ma tante, frac, on l'aime bien. Très séduisante. Ouais, très séduisante en vrai, là. Allez voir myspace.com/matantefrac pour savoir de quoi on parle et le www.frac.qc.ca, frac.qc.ca pour plus d'informations et pour télécharger tous les MP3 que cette chère matante a sortis, dont elle a accouché. Oui, c'est ça. C'est ça que je voulais dire. J'ai bien aimé justement sa pièce avec son bébé. Là. Oui, DJ Léo. Oui, DJ noms des Léo. Pièces, les noms des pièces. La première, c'était, merci de me ramener, Mini-Sip Bleu est le nom de la première pièce. Et d'ailleurs, la première pièce est basée sur des commentaires reçus sur son MySpace. Je vais lire le texte qu'il a envoyé sur son blog au myspace.com/matantefrac. Ah, je suis en feu. J'ai concocté une chanson débile avec des expressions et des commentaires venant de la communauté MySpace. Que voulez-vous de plus? Allez fouiller dans mes commentaires, vous les trouverez. Alors chaque protagoniste sans vouloir aura une redirection vers son espace virtuel dans le texte qui suit. Donc dans son texte, chaque personne dont il a utilisé le commentaire, le lien vers leur MySpace est dans le blog de son MySpace. OK. MySpace trop technologique. De son MySpace. Le MySpace de son MySpace. Sur myspace.com/mytownfrack. C'est bon, le Ben MySpace. MySpace.com/MySpace. Ouais. Ah, j'aime ça. On start ça. Yes. Voilà, donc on va terminer cette première heure par un petit peu de... Bon, vas-y avec tes trucs. Avec notre signe avant-coureur, le premier signe avant-coureur de cette semaine. Pour ceux qui sont nouveaux à l'émission ou qui connaissent pas le concept, le signe avant-coureur, c'est des pièces qui vont se retrouver sur le palmarès de C'est fou à partir du vendredi de la semaine courante. Et puis, un album qu'on a reçu de Major Bidet. Et très intéressant, on aime beaucoup le groupe Major Bidet. Il a déjà tourné plusieurs pièces sur le palmarès. Un peu à la Navet Confit, ouais. Toute cette gang-là. Malajube. Oui, je pense que c'est un bon rapprochement à faire avec Malajube. Ouais. C'est de la musique qui sonne un petit peu dans le même style. Ce nouvel album s'appelle La Vie, qui fit avec La Tapisserie. Très bon nom. On écoute tout de suite la pièce Les Mouches. Ouais. Tout de suite à la chance. Au courant. Et reste avec nous, la deuxième heure s'en vient dans quelques minutes. Que tu t'enfuis, que je deviens laid. Les saisons passent, le monde se passe. Le peu qui excite t'attire les mouches. Je deviens pas confus. Je deviens que tu gagnes un air, que tu sens bon. Que tu gagnes un air, que tu sens bon. Toutes les pilules, petites bouteilles qui tiennent au chaud. Qui te réveille, qui oublie. D'endormir ton cœur qui oublie d'éteindre les voix qui disent quoi faire. Autour à l'hôpital, on va t'en prescrire. Nouvelle pièce de Major Bidet qui se nomme Les Mouches de l'album qui se nomme La vie qui fit avec la tapisserie, un peu comme la chanson qu'on se fait avec tout, dans le fond. Ah, ouais. Tu disais dans le nouveau numéro spécialement normal du Bang Bang, qui est le magazine musical montréalais, si je me rappelle bien. Critique de l'album de Major Bidet, qu'est-ce que ça nous parlait surtout de la sortie de l'album et qui était vraiment dans la même veine que Malajube n'avait confié. Et puis que cette pièce-là, Les Bouches, pourrait facilement se retrouver sur les palmarès de radio indépendante. Dont, si je me rappelle bien, une radio indépendante que je connais à Trois-Rivières. Attends une minute que j'y pense. Shiz. Non, c'est fou. 89. C'est fou. Ah, c'est vrai. C'est le nouvel album de Major Bidet dont on va entendre plusieurs autres pièces plus tard. Belle pochette aussi. Absolument. C'est un signe avant-coureur pour cette semaine. On va entendre d'autres pièces dans la deuxième heure. Mais c'est ce qui conclut, je dirais, la fin. Ça va être la fin de la première heure. On s'en va entendre les nouvelles pour les auditeurs du vendredi. Sinon, ben restez là. Ça s'en vient en quelques minutes. Et puis, autre que ça, ben Danny va être là pour la deuxième heure aussi. Oui. On va entendre un paquet de groupes. On pourrait donner quelques petits exemples de groupes qu'on va entendre. Je regarde sur ma feuille ici. C'est tellement une belle feuille. Inside the Machine, The December Sessions. We are archaeologists. When the truth comes out. Ça va être génial. Ça va être dans la deuxième heure de La Chance au coureur. Restez donc avec nous pour cette deuxième heure. Bye-bye. Retour à La Chanson pour Rare, l'émission qui découvre, analyse, critique et décortique les nouveautés musicales reçues à C'est fou depuis les 7 derniers jours. Mon nom est Mathieu Plante. Le mien chose, là. C'est ça, l'autre gars, là. Danny Janvier, de retour avec nous. Avant la pause, hein, on avait entendu une pièce de Major Bidet, de leur nouvel album qui s'appelle La vie qui fit avec la tapisserie. La pièce s'appelait Les Mouches. C'était notre signe avant-coureur de la semaine. Et on continue sur la même lancée avec une pièce qui s'appelle Patrichier. La chanson coureur, on ne dira rien de plus. Ben, il n'y a rien à dire de plus. Non, je sais, mais je ne veux pas être vulgaire. Ah, c'est rare, toi, d'habitude. Moi, contrairement à toi, Jean. Si nous excite, on y termine avec une dernière pièce de l'album La Vie qui fit avec la tapisserie de Major Bidet. Tout de suite, voici Painful Love. À la chance, au coureur. Pièce de Major Bidet, leur nouvel album La Vie qui fit avec la tapisserie s'il y a la chance au coureur sur C'est fou 89 FM. Parlons un petit peu de Major Bidet ici, hein? Parlons-en un petit peu. Justement, ceux qui veulent en entendre parler puis lire des trucs, là, ouais. Il y a plein de trucs dans le Bang Bang. Il y a une entrevue aussi avec eux qui peut être intéressante dans la dernière édition de Bang Bang. Bang Bang, le journal musical, leur site web est au Bang Bang, T-E-M-O-R-T. Très bon journal. Très bon journal. Vraiment un bon reflet de la scène émergente au Québec. Je pense que c'est le meilleur à date qui est sorti. Il y en avait plein à Montréal, là, mais lui, il se décale, je trouve, des autres. Génial. Major Bidet, donc, c'est les chansons de Serge André Amine, musicien et concepteur sonore de métier, composant depuis plusieurs années sa musique en solitaire, laissant libre cours à sa critique personnelle de notre bel univers. Il allie bidouillage électronique et grattage de guitare, déconstruisant et reconstruisant les sons et arrangements à sa portée. Décidé et encouragé à donner vie à ses chansons, il recrute, son ami et complice musical de toujours, Renaud Bastien, multi-instrumentiste au sein de Malajube. C'est ce que je m'en allais dire. Et monolithe de connaissances musicales. Ensemble, dans leur antre, ils perfectionnent ses pièces à saveur électro-alternative, amadouant et sabotant batterie, basse, guitare, clavier et micro, jusqu'à annihiler le robot qui sommeille dans le cœur du précieux Général Midi. Hein? Ah... Dit Achillon d'ordinateur, le robot sexy pleure, comme on dit. Oui, puis c'est qui nous vient aussi, le Général Midi, le Plastic Light. Une pièce qui a très, très longtemps roulé ici à la radio sur C'est fou, 89 ans. Voilà leur biographie. Ça continue pendant des siècles, mais bon. Vous pouvez aller la lire au complet sur majorbidet.com, M-A-H-J-O-R-Bidet.com ou myspace.com/majorbidet. C'est beaucoup d'informations et c'est un très bon groupe qui a du futur. Ah, c'est clair qu'on n'a pas fini d'en entendre, de parler et d'en entendre point de final. La musique. Et voilà. Dany, t'as écouté quelques albums de musique actuelle et t'as pas tellement, comme on dit, trippé. Non, ben c'est pas ça. C'est que moi, j'ai aimé ça. C'était pour vous présenter ça ici. Je sais pas si ça avait... Ah, c'était d'accord. Plus ça, parce que moi, personnellement, je me les ai procurés. Oui, ben on rajoute des guillemets en l'air, des air quotes pour les gens. Non, c'est très planant, très noise, un peu genre musique drone. Mais en tout cas, les pièces que je vous ai choisies, ils décalent de ça, sont plus expérimentales. C'est de la musique actuelle un peu. Vous allez voir, c'est Ime, ok. Moi, si on peut, Ime, moi je dis ouais. Comme ça, je le dirais. Ah, Ime, c'est ça. Ouais. Donc Ime.com pour les intéressés. Et c'est un Californien, donc qui s'appelle Brandon Nickel. Qui a composé ça de 2003 à 2005. Il fait tout. Dans le fond, il y a un membre. Et puis, je pense que le best, c'est d'aller écouter les pièces. On va écouter premièrement la pièce 3, juste du premier album, qui s'appelle Helical World. Avec la pièce Translucent Tongue. Puis, après, on va écouter Spectral Psychosis. Ce qui est le fun, c'est qu'il y a un album qui est complètement blanc et l'autre complètement noir. C'est peut-être concept. Le concept, oui. À la chanson coureur. C'est pas ça. C'est sérieux? C'est celle-là ici? Hein? Ouais, c'est la... Ah, OK, je suis le fun. C'était Major Bidet. Ouais, c'est ça. C'était bon pareil. Bonne écoute. C'est ça. Thank you. abeilles qu'on nous donne à chaque semaine. Et non, Francis Arsenault n'est pas dans le studio. De l'émission. Francis, c'est des exerciceurs. De la feu émission. Feu émission, l'émission de musique actuelle. Plutôt spéciale. Ce que vous entendiez, c'était une pièce de Amy A-E-M-A-E. A-E-M-A-E. C'est ça. .com. Qui, détrompez-vous, est encore en train de jouer, c'est ça? Oui, c'est ça. Ben, c'est ça. C'est différent, disons, comme musique. Différent, mais intéressant en même temps. Pas différent dans le sens de mauvais. Non, moi, j'ai aimé mieux, bien sûr, le premier l'album noir. Comme qui était plus musical que. Un petit peu plus. Plus planant, un peu. Ouais. Mais bon. Cette pièce-là s'appelle Spectral Psychosis. Exactement. Et l'autre d'avant, c'était Translucent Tongue. Ouais. Voilà. C'est la chanson courant, l'émission qui découvre, analyse, critique et décortique les nouveautés musicales reçues à C'est fou depuis les 7 derniers jours. Mon nom est Mathieu Plante, le sien d'Ali Janvier. Oui. Attention! Et ma tête explose. Ça se peut. Ça serait bon comme pour finir le show, ça. Des nos, têtes explosent. Nos deux têtes explosent, c'est ça. Exactement. Prochain album que Danny a écouté, celui-là, par contre, si je me trompe pas, c'est dans ce cas-ci que tu disais que c'était un petit peu moins bon. Ben, c'est ça. C'est que Plutôt Maillot, qui nous présente des trucs toujours de qualité, nous présente encore un album de qualité, mais c'est leur choix musical que j'ai pas aimé. Puis surtout, la description qu'ils en font, ils parlent que la compilation s'appelle A New Groove, et ils parlent que la musique maintenant, avec Internet, il n'y a plus de frontières, il y a des... de l'exploration dans les sons, etc. C'est tous des trucs qui sont vrais. Ouais. Mais dans les pièces qu'on nous donne là, moi je trouve que ça ressemble plus à de la pop électro, très très très très accessible. Pourtant eux ils ont l'air à dire que c'est tout nouveau, que c'est tout. Mais est-ce que t'es dans l'opinion que Poutou Maillot a sorti tellement de compilations depuis les dernières années qu'ils grattent un petit peu le fond du baril et essaient de trouver un thème qu'ils n'ont pas encore exploité parce qu'ils ont tout fait, le asiatique, africain. Je dirais que oui. Oui, pour vrai. mais pourtant ça serait si facile pour eux. Il y a tellement de bons stocks qui se produisent. Ouais. Qu'il y aurait juste à être peut-être un peu moins à thème. Puis peut-être aussi lâcher, essayer d'être toujours le grand public. Parce que Poutou Maillot essaie vraiment de viser la million de copies. Là, le mainstream. Le mainstream. Donc, il devrait revenir aux sources, à ce qui était au début, plus de rechercher, faire découvrir des choses aux gens. Là, ce qu'ils nous font découvrir, il n'y a rien de nouveau. Ce genre de beat-là jouait en 1995. En tout cas, moi, je trouve qu'ils se sont vraiment perdus, Poutou Maillot, avec cet album. Et pour vous le prouver, on va aller en écouter une pièce. Ben oui, voilà, c'est ce qu'on fait ici à la chanson au courant. Est-ce qu'on écoute la pièce 3, Gabriel Rios, avec On Rock? Une pièce qui nous vient du Puerto Rico. Puerto Rico, de l'album Poutou Maillot Presents A New Groove à la chanson au courant. Curl their tongues, feel sick and thin. Your baby's scheming, yeah. sauce on everyone and give me some, give me some. Retour le bloc, pousse ta chance à la chance. Au coureur. Floodlight avec une pièce qui se nomme Follow Me. C'est un hippie Cold Faces qu'on a reçu ici à CFU 89.1 cette semaine. Vous êtes en plein milieu du super bloc excitant. Pousse ta chance! À la chance au coureur. Ce que c'est des groupes comme ça qu'on fait jouer une seule pièce. Et si on aime bien ça, on en met d'autres. Sinon, on s'arrête à une et puis on termine ça comme ça. C'est de même qu'on dit ça. Pousse ta chance. Essaye-toi un peu. C'est quand même déjà bon. On la coupe pas au moins. Non, c'est ça. On peut encore couper des affaires. On n'a pas enlevé cette règle-là. Ça peut toujours arriver. Hein? Quand même. Oui. Donc, Floodlight, l'album s'appelle Cold Faces. On va parler un petit peu du groupe sur myspace.com/The Floodlight Band. C'est un groupe de rock de Vancouver, en Colombie-Britannique. Les membres sont Dave Truscott, Galen Writer, Pat Sherman, Chris Chewy. Hein? Chewy. Donc voilà, c'est ça. On a entendu la pièce Follow Me de ça. Le prochain CD qu'on s'en va entendre dans le bloc Pousse ta chance, c'est Levy. Levy, qui est un groupe qui vient de St. Catharines, Toronto, en Ontario. Donc, Levy, myspace.com/Levy the band. C'est les membres du groupe sont Cody Elliott Smith à la guitare et la voix, Duncan Voden aux percussions et Jordan Namziato à la basse. J'adore les MySpace qui ont un texte gris foncé sur fond noir. On écoute la pièce. Comme ceux qui sont transparents aussi. Ah oui, toujours c'est très pratique. Fun, c'est fun de. C'est beau aussi, c'est très beau. Ah, c'est esthétiquement plaisant, comme on dit. Plaisant. Voici tout de suite Levy avec la pièce Don't Come On To Me de l'album éponyme. Tout de suite à la chance. Pousse ta chance. Je pense qu'il va gagner le Award du meilleur drummer. Suivant. C'est écœurant quand c'était tout croche. Oh, oh, oh. Bang! Dicter le bloc, pousse ta chance à la chance. Oh, oh pousseur. Oh, pousseur de chance. Take a message on my enfin un bloc qui pousse sa chance et gagne à la fin. Ah, c'était bon, ça. Diamond Sea avec une pièce nommée A Pure Ant de leur hippie éponyme ici à la chance au coureur. Et puis, excuse Mathieu, je te coupe, vas-y. Mais je faisais remarquer à Mathieu, même les bands anglophones, les meilleurs, mettons, si on parle au Canada, sont encore de Montréal. Ouais. Mais la bonne musique en ce moment sort de Montréal. C'est ce que je conclue en écoutant ce bloc et tout ce qui joue depuis quelques années, quelques mois. Ce serait une bonne chose de noter que la plupart des choses qu'on a entendues jusqu'à maintenant dans le bloc Pousse la chance étaient canadiennes anglaises, sauf le dernier band qu'on a entendu, Diamond Sea, qui venait de Montréal. Justement, parlons d'un petit peu. C'est un groupe de Montréal indie rock shoegaze qui se nomme eux-mêmes sur leur myspace.com/The Diamond Sea MTL. Diamond Sea MTL 2. Les membres sont Sébastien Freeman à la voix et la guitare, Marianne Michelle Redston au synthétiseur, vocals, etc. Jean-Pierre Matt à la guitare et la voix, Jean-Philippe Sterling à la basse et Jean-Philippe Aubin à la batterie. Vous pouvez aller voir, comme je disais, myspace.com/TheDiamondCMTL. Juste avant ça, ce qu'on a entendu, c'était la pièce Don't Come On To Me de Levy. Juste avant, c'était Floodlight avec Follow The... Je m'excuse, j'ai oublié le reste du nom de la pièce, mais c'est pas grave. Follow The... Ça sent bien. Follow Me. Voilà, j'avais juste mal écrit. Follow Me, Levy et puis Diamond Sea. Il nous reste un seul artiste, un seul band à écouter dans le bloc qui pousse ta chance. Et c'est Billy Gottfried qui nous envoie un album qui s'appelle The Third Disturbance. On écoute la pièce One Last Show et on en parle ensuite à la chance. Au courant. I'm all twisted inside my head. I'm still reeling from the words that you said. I think I'm twitching inside this car as I watch you leave your daddy's bar. I am excessive, I'm not enough. Without question, I'm the real stuff. You've heard. Oh. Debris Corporation avec Until the Morning Rewound by Kid Loco de la France et des États-Unis. Ça vient de l'album qu'on écoutait tantôt, de Putumayo. Oui, Putumayo qui est en train de se perdre complètement. On dirait qu'ils ont comme manqué leur shot avec celle-là. Hein. Carrément, puis surtout avec leur description à la mort, moi, le nez. Ouais, lisons-la un peu, ça la description pas de bon qu'on sens. A ici. Des artistes contemporains forgent un nouveau monde musical sur cette compilation éclectique composée de morceaux décontractés et de sons underground. Complètement de la bouillie pour les chats. Non, mais c'est n'importe quoi. Il n'y avait aucun son underground là-dedans. Il n'y avait rien d'éclaté. Il n'y avait rien d'éclectique. Je sais pas. Je sais pas du tout où ce qu'ils veulent s'en aller avec ça. Mais comme je disais, ils veulent s'en aller mainstream. Ils veulent vendre des albums partout à toutes les matantes de la planète, je pense. Je pense que ça marche quand même bien, Putumayo dans les magasins. Ça marche au bout. Si vous voulez plus d'informations sur la compilation Putumayo Presents a New Groove, allez sur le putumayo.com, P-U-T-U-M-A-Y-O.com. Tantôt, on avait écouté Gabriel Ross avec Unrock et tantôt, juste il y a quelques secondes, Ivory Corporation. Maintenant, on va écouter une pièce qui vient du Canada. Ouais. Hein? De Puerto Rico aux États-Unis, à la France et maintenant au Canada. La pièce s'appelle Crab Bucket de la formation K.O.'s et c'est ce qui va terminer la deuxième heure de la chanson au coureur. On se retrouve dans la troisième avec un paquet de musique canadienne. Moi, je vous dis salut. Danny s'en va la semaine prochaine. Merci d'avoir été là. Et puis vous, ben restez là, à la maison, hein, ou dans votre auto. La chanson au coureur sur C'est fou 89 FM, l'émission qui découvre les nouveautés musicales pour vous. Selling drinks at the disco. That truth comes back when you let it go. Seems complicated cause it's really so simple. Walking down Young Street on a Friday. Can't follow them, gotta do it my way. No fast lane, still on the highway. Moving in and out, no doubt there's a bride. No time to get down cause I'm moving up. No time to get down cause I'm moving up. No time to get down cause I'm moving up. Take off the grass. On the run, I know it's not that simple. I know it's not that hard. Where's your ball? C'est la troisième heure de la chanson au coureur, l'émission qui découvre, analyse, critique et décortique les nouveautés musicales reçues à C'est fou 89.1 FM depuis les sept derniers jours. Mon nom est toujours Mathieu Plante. Danny Janvier nous a quittés, vous l'avez peut-être entendu tantôt. Cette troisième heure, cette nouvelle troisième heure qui a comme objectif de continuer l'émission pour une troisième heure. C'est le seul objectif que ça a. Dans cette troisième heure, on va entendre de la musique canadienne. On va commencer par le nouvel album de Joey Wright qui s'appelle Jalopy. Voici la pièce titre de l'album. On parle de ça au retour et puis on va entendre aussi des bands telles que Knock Knock Ginger, Life Theoretic et un paquet d'autres choses comme ça. Ça sent bien. Tout de suite, t'as la chance au coureur. Wright avec un album qui s'appelle Jalopy, la pièce titre de cet album-là. Sur le site blackandmusic.com, on retrouve, c'est le site de l'étiquette de ceux qui ont fait le CD. Ça dit « Demandez à Joey Wright d'écrire la musique sur son nouveau CD Jalopy. Il vous dira « Cinematic Quasi Bluegrass Jazz Compositions », des compositions jazz quasiment bluegrass cinématique cinématographique, si on veut, quelque chose de genre. Et demandez à... Là, ça continue le texte. Et demandez à quelqu'un qui a entendu l'album, il vous dira « Mon nouvel album préféré ». Wow, c'est bon. Donc, il y avait eu un CD de Joey Wright qui s'appelait Camp en 2003 et celui-là s'appelle Jalopy, si vous voulez vous le procurer. On continue cette troisième heure qui commence avec beaucoup de musique canadienne, avec un autre band d'ici, ou d'ailleurs, à côté, si on veut. Knock Knock Ginger avec la pièce qui s'appelle Love Renee, Based on a True Story. C'est beau ça aussi et c'est ce qu'on entend à la chance au courant. Where to begin? The pages are few. The topic's so dense that I might start a new list of regrets the moment you get back to the car. One. Your grammar was weak. Two. Your spelling is shit. Three. The harmonies shook with the jits there and then. Well, that's just yet somehow they let you purchase a pen in any hue. Musical de 89.1 FM. Génial pièce d'un génial album. La formation Knock Knock Ginger avec l'album Based on a True Story. Les pièces, c'était Love René au début et ensuite The Tragic Love Affair of Casey and Jamie. C'est un groupe de Waterloo en Ontario. Knock Knock Ginger, un groupe d'indie pop. Allez voir knockknockginger.com, K-N-O-C-K, K-N-O-C-K, ginger.com. Lisa Rafferty joue de la bass, Matt Charter de la guitare et de la trompette, Melissa Jurakov joue le clavier, Milos Sikora chante et joue de la guitare et Owen Cherry joue de la batterie. Sur leur MySpace au myspace.com/knockknockginger, vous allez pouvoir écouter les pièces que vous avez entendues tantôt, en plus de Virginia Black et You Could Have Been My Joe quelque chose, qui ne sont pas sur leur album, qui est en fait un EP de seulement 5 pièces pardon qu'on a reçues assez fou cette semaine. Les autres pièces sont Uppsala et The Makeout Song, et une dernière pièce qu'on s'en va entendre tout de suite, voici The Great Escape. À la chance au coureur. Suivra ensuite un band qui s'appelle Will avec The December Sessions. From your birth to 24 always looks so small. Mm-hmm. know this could be the end of us, could be the end of us, you never know. Guess we'll go. But in the air tonight, the ups and ups in prevail. You'll be my pride and joy, and yet the reason I fail. Cradle my head tonight, and I'll be ever in your debt. This could be the end of us, could be the end of us, you never know. This could be the end of us, could be the end of us, you never one shot to smoke and death. You know the rest. Now I close my eyes and I say, oh, I say, I gotta say goodbye. Will, avec une pièce qui s'appelle Wedding Dress à la chance au coureur. Ça vient de son nouvel album Unmastered, en tout cas qu'il est présentement Unmastered, qui s'appelle The December Sessions. Donc, ils nous ont envoyé quelques petits faits sur Will, qui est un musicien alternatif rock solo basé à Vancouver, en Colombie-Britannique. Il a fait plusieurs tournées au Canada et aux États-Unis en 2004 et 2005. Son futur album va sortir au printemps 2007. Ça va être son deuxième album complet. Il va y avoir des invités musicaux sur ce nouvel album, dont The Illusoists, Feist Band, The Weaker Dance, The Hidden Cameras, Arcade Fire et Fembots. C'est produit d'ailleurs par David McKinnon de la formation Fembots et mixé par Trina Shoemaker de Whiskey Town. Vous pouvez aller voir le iBreakStrings.com, iBreakStrings.com ou encore myspace.com/Willie, W-I-L-I, BreakStrings. C'est un peu compliqué, mais quand même, il vient de Calgary en Alberta, mais est maintenant en Colombie-Britannique, à Vancouver. Et c'est simplement Will, W-I-L. Voilà, et juste avant, c'était une autre pièce de Knock Knock Ginger, de leur album Based on a True Story. La pièce s'appelait The Great Escape. On a fait jouer 3 pièces de Knock Knock Ginger. Ginger. Et j'ai bien aimé. Voilà, qui complète cette avant-dernière demi-heure de La Chance au coureur. Au retour de la pause, on va entendre, entre autres, la musique de Frank David et aussi la formation Riley. C'est à venir à La Chance au coureur. We'll be right back. get a smile for a while. To change the world and peace of mind. Whoa, I come to my world. Whoa, I try to understand. Whoa, I come to my. Frank David avec la pièce Welcome to My World de l'album Standing by the Road. C'est une personne de la région qui nous a envoyé cet album-là ici à la Chance au coureur et assez fou en général pour qu'on fasse jouer. C'est fait. Welcome to My World était la pièce. Frank David est la personne. Malheureusement, j'ai pas tellement d'informations sur la personne en tant que telle. Si jamais je trouve quelque chose, peut-être que j'en parlerai d'ici la fin de l'émission. Prochain artiste qu'on s'en va entendre, c'est la formation Riley qui nous envoie un album qui s'appelle We Are Archaeologists. Et on écoute la pièce People Have a Funny Way of Knowing à la chance au coureur. Émission qui découvre, analyse, critique et décortique les nouveautés musicales. Hein? Et ça, vous le savez. Thank you. avec People Have a Funny Way of Knowing de leur album We Were Archaeologists, un groupe de Toronto qui ont eu deux albums indépendants jusqu'à maintenant. Le premier a été complètement sold out, comme on dit souvent, et il a monté jusqu'au numéro 3 de certaines radios collégiales en septembre, des radios universitaires, des radios indépendantes comme ça. Leur prochain album va sortir sur une étiquette indépendante canadienne en mai 2007. Ce qu'on a reçu, c'est un EP de 5 pièces. People Have a Funny Way of Knowing, When You Came Around, I Came Around Too, We Are Geologists, Raindrops et Talk Sweet, Walk, Talk Deep. Ils disent mélanger des influences folk avec un petit peu de indie rock. Ils essaient de créer un son familier mais non conventionnel, merveilleux mais sans excuses. Ils créent, encore une fois je les cite, nous créons un son que Saint Rock'n'Roll Magazine de Vancouver a appelé un nouveau genre de son qui est plutôt délicieux. Allez voir Riley.ca, R-E-I-L-Y.ca ou myspace.com/RileyMusic pour en apprendre plus sur leur sujet. On écoute une deuxième pièce rapide et après ça, on devrait avoir le temps pour passer quelques autres CD, dont un petit peu de jazz. Hein, ici à la chance, au cours... Riley, excellent album We Were Archaeologists avec la pièce When You Came Around, I Came Around Too. Il nous reste quelques minutes à la chanson coureur et je voudrais en passer quelques-unes de ces quelques minutes avec un album de Daniel Boulian. L'album s'appelle Tagayette et voici tout de suite Le Vent se lève, ou du moins un extrait. Oh pardon, je m'excuse, je regarde mes choses et wouhou, on se remet dans l'ordre. L'album s'appelle Sphère Réflexion et voici une pièce tirée de cet album tout de suite. Et ce n'est pas de Daniel Boulian. Non. Non. On met rien que ça dessus. On entoure l'autre sphère réflexion. C'est du jazz. C'est bon? Je vais même vous l'expliquer par-dessus la musique. Ce disque est à quelque chose près une réflexion sur la musique de Monk qui m'a toujours fasciné et inspiré et parallèlement une réflexion sur la condition de la planète qui supporte depuis des siècles les écarts incompréhensibles et les actes inconscients de l'homme. Très bien dit. En quelques mots rattachés au son, voici simplement des pensées et des gloses. C'est ce que ça dit. Tara Bisotti dit... ça me fait réfléchir à la Terre qui en mange un coup, aux épreuves, à manque de syncope et de mouvement. C'est le miroir de l'amour, ça existe dans toutes les sphères en y réfléchissant. On cesse, voici la pièce de Sphère Réflexion tout de suite. extrait de l'album Sphère Réflexion, ici à la chance au coureur de Alain Bédard. C'est le nom de l'artiste qui participe à cet album Sphère Réflexion. On va terminer l'émission avec une pièce de métal qui apparemment est assez douce pour passer le matin. Ça vient de la formation Shining Star. L'album s'appelle Enter Eternity. Et tout de suite, voici Nightmare à la chance au coureur. Nightmare de la formation Shining Star, tout droit sorti de leur album Enter Eternity, ici à la chance au coureur. Et on est tellement, tellement proche de la fin que je la sens venir à grands pas. C'est la fin de la chance au coureur pour cette semaine. Le coureur de la semaine, on le couronne tout de suite, c'est Major Bidet avec la vie qui fit avec la tapisserie. Vous aurez la chance d'entendre des extraits autres que la pièce qui sera sur le palmarès. Plus tard, dans les palmarès, c'est fou, en ce vendredi soir, si vous écoutez en direct, restez avec nous. D'ailleurs, si vous êtes le vendredi pour Rock Classique qui suit, et si vous êtes le jeudi, restez là pour la fabuleuse émission du retour, qui est là, puis qui sont tellement bons, les gars, tu sais, je le dis tout le temps. Moi, de mon côté, je vous retrouve à La Connexion, l'émission d'informatique et de jeux vidéo, les jeudis et les mardis de midi à 13h, et dans les palmarès, c'est fou, les vendredis soirs de 17h à 20h. De la part de Danny Janvier, de moi, Mathieu Plante et de toute l'équipe fictive de la chance au coureur, faites attention à vos genoux, bonne journée et bonne chance! Encore.